Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un texte que je vais découvrir en même temps que je le lirai. C'est un article de Warda Mohamed qui est paru ce jour sur Bastamag. Gauche blanche, racisée, non concernée, ces clivages qui agitent la lutte et les mouvements antiracistes. J'ai choisi de lire ce texte que je vais donc découvrir en même temps que vous, en espérant qu'il soit équilibré parce que c'est vraiment un sujet super important, il me semble, et que j'espère qu'il est équilibré parce que, en fait, il y a vraiment une grosse tendance à renvoyer les personnes qui sont radicales et généralement, en fait, racisées. Même par nous, inconsciemment, très très souvent, il y a vraiment une tendance à les renvoyer à une sorte de violence, à des choses qui seraient non légitimes ou minoritaires ou trop ci ou pas assez ça, et dire que en fait, seules les institutions et les assos et les orgas habituels seraient saines pour pouvoir aborder ces sujets et faire avancer le problème dans la société, un peu comme la CFDT fait voilà des compromis pour ménager la chèvre et le chou et ainsi faire avancer tout le monde. Et j'ai du mal à croire que ce soit le seul moyen. En fait, j'ai même plutôt la preuve, plus le temps passe et plus je confronte l'actualité à l'histoire avec un grand H, que non, ce n'est pas à force de petits compromis aux uns et aux autres qu'on a fait avancer les fondamentaux sociaux, mais c'est aussi, et hélas, très souvent, j'aimerais tellement que ce soit autrement, grâce à des conflits frontaux portés par les personnes concernées qui se sont émancipées des personnes qui sont censées évoluer en leur disant, ok, vous êtes peut-être nos alliés, mais vous fermez vos gueules et on va faire le boulot parce que vous n'y arrivez pas. Donc voilà, je ne sais pas comment va être équilibré cet article. Je vais le découvrir en même temps que la lecture. Désolée pour cette un petit peu longue introduction. Je commence. Gauche blanche, racisée, non concernée, ces clivages qui agitent la lutte et les mouvements antiracistes. Il y a beaucoup de guillemets hein, dans cet article. Camp décolonial pour débattre du racisme sans les non concernés. Indigènes de la République en quête d'autonomie face à la gauche blanche. Autant de termes qui clivent fortement la lutte antiraciste. D'un côté, les mouvements historiques et institutionnels, la LDH, le MRAP ou SOS Racisme, donnent à leur combat une portée universaliste. De l'autre, une nouvelle génération d'acteurs plus radicaux, issus des groupes racisés et où se trouve une grande partie de femmes. Les premiers reprochent aux seconds de tout ethniciser. Les seconds les accusent pour de ne pas représenter celles et ceux qui subissent le racisme au quotidien. Pourquoi de telles divisions? Peuvent-ils dépasser leurs divergences? Basta leur a posé la question. Malgré les lois et les constats sans cesse renouvelés, rien n'y fait. Les discriminations racistes continuent à peser sur la vie de millions de personnes en France, que ce soit dans l'éducation, l'accès aux soins médicaux, le monde du travail ou les relations avec la police. Trois études récentes illustrent leur persistance. En décembre dernier, le ministère du Travail publie les résultats d'une enquête sur les discriminations à l'embauche. Il confirme que des entreprises françaises, malgré leur engagement en faveur de la diversité, pratiquent une politique discriminatoire à l'égard des personnes au nom perçues comme maghrébins ou non hexagonales. Mi-mars, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, pointait publiquement les entreprises Accor et Courtepaille, une chaîne de restaurants propriété d'un fonds spéculatif britannique, pour leurs mauvais résultats en matière de lutte contre les discriminations. Logement, emploi, contrôle aux faciès, des discriminations fortes. Début mars, les résultats d'un testing mené par des chercheurs du CNRS ont été publiés par le ministère du Logement. Les identités fictives ont répondu à 504 annonces immobilières dans Paris au cours de l'année 2016. Les résultats montrent des discriminations très fortes pour les personnes d'origine nord-africaine dans l'accès au logement, encore plus lorsque l'annonce immobilière émane d'un particulier plutôt que d'une agence. Un fonctionnaire avec un nom évoquant une origine maghrébine aura ainsi 3 fois moins de chances d'obtenir une réponse positive comparée à un fonctionnaire d'origine française avec un revenu similaire. En janvier, un travail mené par le défenseur des droits auprès d'un échantillon représentatif de plus de 5000 personnes, une première à l'échelle nationale, pointait cette fois que 80% des personnes correspondant au profil de jeune homme perçu comme noir ou arabe déclarent avoir été contrôlés dans les 5 dernières années contre 16% pour le reste des enquêtés. Ces profils ont donc 20 fois plus de risques d'être contrôlés. Les violences policières concernent aussi particulièrement les jeunes hommes d'origine immigrée. Pourquoi ces discriminations se perpétuent-elles aussi fortement alors que le droit est censé pénaliser toute discrimination à raison de la race, de la religion, l'ethnie ou la nation? Les pratiques de testing et les études sur les discriminations font exister une réalité invisible dans l'espace public d'un point de vue statistique. Mais pour passer du constat à la lutte contre les causes du problème, il y a une grande difficulté, constate le politologue Abdelal. Je suis désolée pour les prononciations, vraiment à l'avance. Abdelali Ajat, maître de conférence à l'Université de Nanterre. Les campagnes de sensibilisation, par exemple, renvoient uniquement au racisme de société civile. Or, les élites politiques véhiculent elles aussi des discours racistes. Dans ces campagnes, le racisme est pointé comme un fait individuel moral. Cette posture passe pourtant à côté de la réalité. Le racisme est un fait structurel, estime le politologue. Constat similaire du côté de Patrick Simon, sociologue démographe à l'Institut national d'études démographiques, l'INED. En France, on ne considère pas que les discriminations proviennent d'un système. On accuse les acteurs malfaisants d'en être responsables et qu'il faut rééduquer. Face à cette redoutable permanence de l'ordre des choses, une nouvelle génération de lutte antiraciste est apparue en France. Cette génération adopte de nouveaux modes d'action et un nouveau vocabulaire, dissociant la gauche blanche, non concernée, par le racisme des racisés qui subissent bien des débats. Qui suscitent, pardon, bien des débats. Subissent aussi. De la marche pour la dignité au camp décolonial. Les 4 acteurs historiques de la lutte contre le racisme sont la Ligue des droits de l'homme, LDH, le jour où ça ne s'appellera plus les droits de l'homme, ça sera bien, pardon pour l'aparté, la LDH créée en 1898 au moment de l'affaire Dreyfus, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA créée en 1927 face à la montée de l'antisémitisme et les pogroms en Europe, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP, créé en 1949 par d'anciens résistants et déportés. Puis SOS Racisme, fondé en 1984 par les membres et proches du Parti Socialiste à la suite de la Marche pour l'égalité. Sacré souvenir. L'antiracisme est devenu la norme depuis la Seconde Guerre mondiale et le génocide des Juifs, relève Nona Mayer, chercheuse au CNRS. Cela ne veut pas dire qu'on ne discrimine pas au quotidien, mais on sait que le racisme, c'est mal. Des personnes qui n'ont pas le sentiment d'être racistes l'habillent derrière des valeurs égalitaires, féministes ou laïques. Ceux qui n'aiment pas les juifs n'aiment pas non plus les musulmans, les noirs, les roms, les groupes le plus rejetés, prévient-elle. Les roms étant le groupe le plus rejeté, prévient-elle. Ces 4 structures sont aujourd'hui confrontées à l'émergence de nouvelles figures issues des luttes des terrains. Parmi elles, certaines polarisent les débats. Xiamane Asbagh, 30 ans, se présente comme une militante antiraciste et très active sur les réseaux sociaux. Fania Noël, 29 ans, militante afro-féministe marxiste, et surtout Ouria Boutejla, 43 ans, du Parti des indigènes de la République, le PIR, lancé en 2005. Sirman Asbag et Fania Noël ont organisé la première marche de la dignité en 2015 avec d'autres femmes qui se présentent comme racisées, dont Ouria Boutejla. La seconde marche, à laquelle se sont joints plusieurs associations historiques, ainsi que des partis de gauche et d'extrême gauche, a réuni, selon nos estimations, environ 15 000 personnes à Paris ce 19 mars. Suman Asbag et Fania Noël ont également organisé en 2016 un camp d'été décolonial non mixte, c'est-à-dire réservé aux personnes subissant le racisme d'État. Cette initiative a été présentée par ses détracteurs comme un camp anti-blanc. Inédite en France, elle a fait réagir jusqu'à l'Assemblée nationale la ministre Najat Vallaud Belkacem et le Premier ministre Manuel Valls. Au bout de ces chemins-là, il n'y a que le repli sur soi, la division communautaire et le chacun chez soi avait blâmé la ministre de l'Éducation. On se demandait ce qu'on pouvait faire pour favoriser les échanges entre la transmission, explique de son côté Suman Asbag. Il s'agissait de se réunir entre personnes vivant une même oppression. La parole est plus simple. Militer avec des non-concernés par le racisme, c'est expliquer à chaque fois que le contrôle au faciès est une réalité ou que le blanc est une catégorie sociologique. Nul racisme anti-blanc, assure-t-elle. La notion est d'ailleurs disqualifiée par tous les interviewés. Une lutte à construire en autonomie vis-à-vis du pouvoir. Comment expliquer la violence des réactions? Dès que les opprimés s'organisent, il y a une offensive du pouvoir qui a peur de l'autonomie et de l'organisation politique des descendants de l'immigration post-coloniale, commente Abdelali Ajat. Après la marche de 1983, l'un des organisateurs, Toumi Djaïdja, a été mis en prison pour une affaire à laquelle il n'était pas lié. Les dominants ignorent leur statut. Ils ne veulent pas assumer le bénéfice de leur domination et les privilèges qui en découlent, ajoute Patrick Simon. Ici, il y a un rappel à l'ordre avec la réaffirmation que les privilèges de la majorité française est blanche. Si ces nouveaux acteurs ont émergé et proposent des modes d'action plus radicaux, c'est d'abord parce que leur analyse diffère de celle des acteurs historiques de l'antiracisme. Ceux-ci estiment que le racisme n'émane pas de l'État, que la connaissance de l'autre par des actions de sensibilisation peut l'anéantir. Ils sont plus ou moins liés au pouvoir en place. La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la DILCRA, assimilée à l'antiracisme historique, était par exemple sous la tutelle du ministère de l'Intérieur avant de se retrouver sous l'autorité du Premier ministre Manuel Valls. Au contraire, Ouria Boutejla, Suman Asbag et Fania Noël dénoncent un racisme d'État. Le racisme est un fait structurel. On ne s'attaque pas à des idées ou à des individus, estime la cofondatrice du PIR. Pour Suman Asbag et Fania Noël, l'antiracisme doit se construire en autonomie vis-à-vis du pouvoir. SOS Racisme, ce contentieux historique indépassable. Tu m'étonnes. Une autre différence distingue les associations antiracistes historiques et les nouveaux mouvements. À la question « Avez-vous déjà vécu le racisme à titre personnel ?», les représentants de ces organisations répondent étonnés « Non ». Pour les autres, subir régulièrement diverses formes de racisme semble être une évidente banalité. Le seul espace dans lequel il n'y a pas d'interlocuteur directement concerné est celui des discriminations ethniques et raciales, détaille Patrick Simon. Le cadre français empêche l'expression des minorités en tant que telles. C'est ce qui le caractérise. Aucune des trois militantes n'a ainsi envisagé de rejoindre SOS Racisme, l'association la plus récente. Jamais, tranche Ouria Boutejla. Nous n'avons aucune relation avec eux, indique Suman Asbag. Ils défendent leurs intérêts et gagnent de l'argent sur ce que nous subissons, juge Fanny Anoël, faisant allusion aux subventions perçues par les associations. La DILCRA a été dotée par le Premier ministre d'un budget de 100 millions d'euros sur 3 ans pour mener sa mission, quand des initiatives portées par des personnes concernées ne reçoivent aucun soutien des pouvoirs publics. SOS Racisme est dénoncé comme le fossoyeur des marches de 1983 et 1984 et le résultat d'une OPA du Parti Socialiste sur les mouvements qui émergeaient dans les banlieues. Ce contentieux historique est indépassable, analyse Patrick Simon. Pour comprendre ce positionnement, il faut également revenir au déclic qui a mené ces trois jeunes femmes dans la lutte antiraciste. L'un des éléments déterminants a été la loi de 2004 contre le port du voile à l'école, pour Shimane Hasbag et Ouria Boutejla. Fania Noël cite également la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré dans le cadre d'un contrôle de police en 2005 qui a déclenché un soulèvement des banlieues. Ces événements m'ont poussé à m'interroger sur notre condition en France, en tant qu'habitant des quartiers populaires et descendant de l'immigration post-coloniale, explique Shimane Hasbag. Empêcher une alliance entre la gauche et les militants radicaux. Cette même année, Ouria Boutejla lance l'Appel des indigènes et le Mouvement des indigènes de la République, le MIR, avec des personnes impliquées dans des mouvements contre l'islamophobie, les crimes policiers ou la solidarité avec la Palestine. Puis, en 2010, nous avons été une quarantaine à fonder le Parti des indigènes de la République, le PIR. Nous nous sommes toujours constitués en tant que mouvement politique, dit-elle, revendiquant 200 militants et sympathisants. Selon la cofondatrice du PIR, il y a eu deux ruptures, celle non dite dans les années 80 des mouvements autonomes, puis l'officielle de 2005, assumée. Ses écrits et interventions suscitent régulièrement de très vives critiques et réprobations, en particulier au sein de la gauche. Exemple, répondant sur le site de la revue Vacarme à des textes sur le métissage publiés par le PIR en 2015, les militantes féministes Malika Amaouche, Yasmine Kateb et Léa Nicolas Triboul accusent. Il nous semble que le PIR a glissé. Surfant sur les durcissements identitaires, il propose une lecture systématiquement culturelle, voire ethnicisante, des phénomènes sociaux. Cela l'amène à adopter des positions dangereuses sur l'antisémitisme, le genre et l'homosexualité. Il essentialise les fameux indigènes sociaux, les subalternes qu'il prétend représenter. Le livre d'Ouria Boutejla, Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire, publié en 2016 à La Fabrique, suscite également de vives réactions. L'antisémitisme et l'islamophobie sont deux faces d'une même pièce. Mais pour Ouria Boutejla, plus l'antiracisme politique s'affirme, plus les organisations officielles subissent une perte de leadership. Quand Valls attaque le camp d'été décolonial ou le meeting contre l'islamophobie, il veut intimider la gauche. Il ne veut pas qu'il y ait une alliance entre elle et les milieux militants plus radicaux. Idem quand il brandit le spectre du racisme anti-blanc ou de l'islamisme, ou encore de l'antisémitisme. La première opposition majeure entre associations antiracistes s'est produite sur le conflit israélo-palestinien, puis la mobilisation contre l'antisémitisme a clivé l'antiracisme, à mesure que les jeunes arabes ont été rendus responsables, rappelle Patrick Simon. Comment les organisations antiracistes historiques appréhendent-elles ces nouveaux débats? Pour Pierre Tartakovsky, 64 ans, président de la LDH de 2011 à 2015, la gauche classique a un temps de retard. Notre lecture des débats sur le racisme, de même que sur la laïcité, n'a pas été complète. L'antisémitisme et l'islamophobie sont les deux faces d'une même pièce. La position de la gauche radicale, c'est souvent que les questions de racisme se régleront d'elles-mêmes quand on aura réglé la question sociale. A l'inverse, certains nouveaux acteurs sont accusés de tout raciser, évacuant les formes d'oppression sociale qui frappent les catégories populaires, quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau. Nous avons des difficultés autour du concept de classe sociale, de classe raciale. Lapsus révélateur. Je vais la redire du coup. Nous avons des difficultés autour du concept de classe raciale, qui nous semble extrêmement dangereux parce qu'il détourne des rapports économiques de classe. Putain. Confirme Augustin Gosdois, 70 ans, co-président, pardon, j'ai du mal à rester neutre. Co-président du MRAP depuis une vingtaine d'années. Voilà. La question sociale d'abord, l'antiracisme après. Il y a un désamour des gens à l'égard de SOS Racisme, car ils ont beaucoup attendu de nous. Et attendent encore, analyse de son côté Blaise Cueco, 25 ans, responsable de SOS Racisme pour la région parisienne et membre du bureau national du mouvement. Au moment de la création de SOS Racisme, la France se trouvait dans une ère antiraciste au sens universaliste. Cette vision était à la mode, car elle ne remettait pas en cause la structure du pouvoir économique et médiatique. Pour SOS Racisme, qui revendique un millier de sympathisants en Île-de-France, les insultes, sale blanc et sale noir, sont au même niveau. Blaise Cueco ajoute toutefois que les injures ont peu d'incidence sur la vie des blancs. Et reconnaît qu'une différence entre le discours de SOS Racisme et reconnaît une différence, pardon, entre le discours de SOS Racisme et ses actes. On est très mauvais en communication, commente-t-il. Pourtant, l'association persiste. Pour elle, l'usage des termes black et beurre est daté, mais pas raciste. Si le MRAP et la LDH disent pouvoir travailler avec Siaman Asbag, Fania Noël et Ouria Boutejla, les deux associations soutiennent d'ailleurs la marche pour la dignité. Il n'en est pas de même pour SOS Racisme. Elles ne sont pas nos premiers ennemis, commente Blaise Cueco. L'association les qualifie toutefois de mouvements racistes car... Putain, c'est pas vrai. Pardon. L'association les qualifie toutefois de mouvements racistes car ils clivent sur des questions de couleur de peau. Pour Pierre Tartakovsky, ces divisions sont aussi une conséquence de la situation même de la gauche. Une partie de la gauche et des républicains porte la tendance xénophobe en l'habillant d'une pseudo-laïcité d'exclusion. Le camp antiraciste est lui-même traversé par ces courants d'idées. Laïcité, islamophobie, non-mixité, des questions clivantes. C'est une citation. Quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, la gauche blanche partageait nos positions, dit Fania Noël. Puis, quand il a été dénoncé le fait que le PS appliquait les mêmes politiques, on nous rétorquait qu'on ne comprenait pas. La droite a fait voter la loi sur le voile. Le PS était pour. La gauche radicale aussi, rappelle Ouria Boutejla. Dans le cadre de l'état d'urgence, il y a eu des perquisitions contre plus de 3 000 familles musulmanes. Ce qui nous a frappé, c'est que la gauche, relativement muette à ce sujet, s'est soudain réveillée contre la loi El Khomri, car là, ses intérêts étaient visés. Vont-ils comprendre que l'État a réprimé les mouvements sociaux comme il a réprimé ceux de l'immigration? En plus de certains politiques et médias, des associations antiracistes elles-mêmes attaquent les initiatives des militantes, ce qu'avait aussi expérimenté l'association les invisibles, indivisibles, pardon, excusez, ce qu'avait aussi expérimenté l'association Les Indivisibles, fondée par Rokia Diallo en 2007. Sollicité et après de nombreux échanges par mail et téléphone, la LICRA et Gilles Claverolles de la DILCRA n'ont pas donné suite à notre demande d'interview. Ce dernier avait déclaré au journal Libération « Tous les racismes sont condamnables, mais le racisme anti-arabe et anti-noir n'a pas les mêmes ressorts que l'antisémitisme dans sa violence. Il faut être capable de lire la particularité de l'antisémitisme. » Ouais. Gilles Clavreuil est membre fondateur du Printemps républicain qui indique dans son manifeste « Seuls les faiseurs et défaiseurs identitaires de tous bords ont tenté de profiter de l'occasion, les attentats, pour faire encore progresser leur idéologie délétère. » Alain Jakubowicz, président de la LICRA, a écrit concernant le camp d'été décolonial: Prétendre qu'il faut avoir été victime d'une discrimination pour la combattre est une aberration qui établit une ségrégation qui n'a rien à envier aux assemblées du Ku Klux Klan. Wow. Ok. Dieu, pouf. Et là, évidemment, l'intertitre suivant, c'est racisme anti-blanc. C'est parti. Selon le sociologue Abdelalil Ajat, vraiment excusez-moi les gens si j'écorche vos noms, je suis désolée. Il s'agit de ce type de discours, de disqualifier les victimes. Accuser de racisme les racisés est une technique classique d'inversion des responsabilités. Le racisme anti-blanc n'existe pas en tant que racisme, juge le sociologue Patrick Simon. En effet, pour qu'il y ait un racisme constitué, il faut un système d'interprétation fondé sur la supériorité des uns et sur l'infériorité des autres. Je ralentis parce qu'il faut vraiment bien l'entendre, ce truc-là. Or, il n'y a pas de pénalité qui soit liée au fait d'être blanc lorsqu'on recherche un emploi à l'école ou pour trouver un logement. Voilà, c'est clair. Comment s'explique l'emballement autour de ces nouveaux antiracistes ? Les associations comprennent qu'elles n'ont plus le monopole de la production des idées, pense Fania Noël. Ainsi, attaquées par des structures institutionnelles et sans aide publique, les nouveaux acteurs de l'antiracisme développent leurs propres outils. La génération qui émerge assume ses identités multiples et accepte son rôle politique, prévient Siaman Asbag. Des étudiants organisent ainsi des ateliers paroles non blanches à l'université Paris 8, animés uniquement par des personnes non blanches, mais ouvertes à tous, sur le thème de l'école, des violences policières ou encore des médias. Une formation contre la dévaluation salariale et professionnelle touchant les femmes racisées a été proposée par Marie da Silva, 33 ans, qui vient de fonder CaliWorks, une agence d'empowerment et de stratégie dédiée aux femmes racisées et leurs problématiques professionnelles. De son côté, la réalisatrice Amandine Gay a réussi à imposer au cinéma son documentaire « Ouvrir la voie » dans lequel elle donne la parole aux femmes noires. Nous bénéficions des réseaux sociaux, outils extrêmement puissants qui a démocratisé l'accès à des savoirs, des rencontres et des dynamiques. Mais on s'inscrit dans la lignée des mouvements à qui on doit beaucoup. Parler de nouvelles figures sert à nous isoler, insiste Siaman Asbag. Abdelalil Adja confirme. Les associations ne sont pas nouvelles, leur combat non plus. Dans les mouvements des travailleurs arabes dans les années 70, il n'y avait que des arabes, or ils ne le terrorisaient pas. D'autres associations et mouvements émergents sont engagés dans la lutte contre les formes spécifiques de racisme, du collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, très critiqué également, au Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, en passant par la brigade anti-négrophobie ou Almami Kanouté, éducateur et militant associatif à Fresnes, très présent lors des assemblées Nuit Debout. Siaman Asbag réfléchit désormais à créer une véritable organisation. Sans subvention, elle a pu accueillir avec Fania Noël près de 180 personnes à leur camp d'été en 2016. Elles ont organisé en novembre dernier une formation sur le racisme avec une quinzaine de participants, majoritairement blancs, venus se former et s'informer sur leur place d'alliés et leurs fonctions. Invités, les journalistes qui avaient fustigé le camp d'été n'y ont pas assisté. 48 heures après l'annonce d'un second camp d'été en 2017, les places étaient toutes réservées, annonce-t-elle. L'effet pervers de cette visibilité, c'est que les politiques nous visent directement, indiquent Siaman Asbag et Fania Noël. Un texte de Warda Mohamed, donc paru dans le Bastamag du 20 mars 2017, à retrouver en ligne parce qu'il est très complété de beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens qui sont intéressants quant aux citations, aux références, etc. Donc à retrouver sur le site www.bastamag.net sous le titre de Gauche blanche, racisée, non concernée, ces clivages qui agitent la lutte et les mouvements antiracistes. Voilà. Bonne journée à vous.